attendu autant. Rattraper ses pas qui s'égarent parfois. J'ai marché en cherchant notre coin de ciel bleu, alors qu'il est si grand au fond de nos yeux. Et on va s'en sortir, je peux te prédire l'avenir. On sera bien tous les deux. Car ta douleur au fond du cœur ne m'a jamais, jamais fait peur. Donne-moi ton amour comme ça vient, sans détour. Le passé à mes trousses me fera plus faire tout ce qu'il veut. Mets ma main dans le feu, je retourne pas d'où je viens. J'ai appris à tomber, je peux toujours m'arranger. Le sol est moins furieux à présent qu'on est deux. Je peux lire tes silences, tes sourires comme tes pleurs. De nos vies, je sais que j'ai compris que ta douleur au fond du cœur ne m'a jamais, jamais fait peur. Donne-moi, donne-moi ton amour, car ma douleur au fond du cœur ne t'a jamais, jamais fait peur. Je te donne mon amour comme ça vient.